réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être fidèle à France Culture. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, et aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 octobre, alors je ne sais pas si vous le savez, mais je suis sûr que vous le savez, tout le monde est au courant que demain sort le 36e album d'Astérix. Astérix est le papyrus de César, et depuis lundi, c'est notre tête chercheuse Nicolas Rouvière qui nous parle à sa manière d'Astérix. Astérix et l'identité nationale. Le troisième épisode, c'est dans un instant. Et en deuxième partie, aux alentours de 6h20, André Stern, l'homme qui n'a jamais été scolarisé et qui s'en porte pas plus mal, est invité parce qu'il témoigne de son expérience dans le documentaire d'Erwin Wagenhofer qui sort aujourd'hui au cinéma avec pour titre Alphabet. Tout de suite sur France Culture, tête chercheuse. Astérix dans le chaudron de l'identité nationale, par l'universitaire Nicolas Rouvière, qui est notre invité depuis lundi. Aujourd'hui, troisième épisode, le mélange des cultures et le choc des temporalités dans les aventures d'Astérix. Oui, choc des temporalités, évidemment. On sait que l'un des grands plaisirs de lecture, c'est de voir tous ces anachronismes qui sont projetés dans l'univers gaulois. Voir Romaine 7, habitation latine mélangée, HLM, PMU. Mmh. Et on nous promet Bernard Tapie pour le prochain album. Oui, alors après, ça devient une sorte de procédé à clé, effectivement, qui devient un petit peu systématique, parfois un peu artificiel, trop attendu. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que il y a la volonté des auteurs de représenter la société française de leur époque. Et de faire des parallèles ? Oui, de faire des parallèles, tout à fait. Il y a... alors, ces parallèles, pensons à la critique de la standardisation des comportements, par exemple. On représente le tourisme de masse vers la Méditerranée, les vacances en Espagne. Il y a aussi une critique sociale qui s'exerce alors à de multiples niveaux. Par exemple, une critique de la politique d'urbanisation dans le domaine des dieux, la critique de la domination sociale avec une sorte de publicité qui est aussi une propagande du pouvoir romain qui s'adresse au cadre, on va dire à une petite oligarchie pour mener une vie heureuse dans le domaine des dieux, pendant qu'on réduit le village à une amphorville. Donc on pense à la politique d'exclusion des milieux populaires des centres-villes dans les années 70, on pense aux grands ensembles qui se construisent en marge des grandes agglomérations. Donc il y a de multiples thèmes qui sont traités. On a par exemple une satire du théâtre anarchiste et contestataire dans Astérix et le Chaudron, avec une utopie donc anarchiste qui est moquée par les auteurs. On a la représentation d'une nouvelle ère politique, de management, un marketing politique, avec en la personne d'un jeune énarque sous la figure de Jacques Chirac, habilement caricaturé par Uderzo, qui représente la nouvelle ère du management libéral. Donc à différents moments de la série, et en particulier après 1968, quand il s'agit d'orienter la bande dessinée dans un sens plus satirique, on va retrouver toute une peinture de la société française avec une charge critique et satirique des auteurs. Et le thème de l'identité nationale n'est jamais loin, malgré effectivement ce clin d'œil à l'actualité. Oui, c'est-à-dire que il y a toujours cette place d'Astérix à la charnière de cette nouvelle ère des Trente Glorieuses et en même temps ce retour sur l'histoire en parallèle avec cette idée que ce qui est défendu c'est un humanisme et qu'il s'agisse de combattre les dérives absolutistes du pouvoir, en la personne de César, par exemple, ou en la personne de Cléopâtre, dans une conception plus théocratique. Qu'il s'agisse de combattre des sociétés pré-totalitaires, comme celle des Goths. Dans la peinture de la société des Goths, il y a un pastiche du drapeau hitlérien. On a un cercle blanc sur fond rouge, et en lieu et place de la croix gammée, on a un aigle germanique noir. Eh bien, alors à chaque fois, c'est cette idée de développer une conception à la fois démocratique, anti-élitiste, humaniste, y compris pour la nouvelle ère de l'individualisme qui s'ouvre dans les années 60 et 70 et vis-à-vis de laquelle les auteurs ont aussi une posture critique. Une vision de la culture française à travers les aventures d'Astérix, mais aussi une vision du monde, puisque Astérix et Obélix n'arrêtent pas de faire le tour du monde et ramènent avec eux toutes ces cultures universelles. Là aussi, on est tout à fait synchrone avec l'époque où Astérix a été conçu. Oui, c'est l'époque de l'Europe en construction. C'est une Europe aussi où les modes de vie commencent à s'uniformiser, se standardiser. Donc Astérix va puiser tout un fond de références communes dans les mass médias, dans les guides touristiques, dans la littérature de voyage, les chansons populaires, le cinéma, la littérature. Et tout ce fond commun est représenté dans la série. Alors je dirais que c'est un moteur à trois temps. Premier moteur, on crée un fond de référence qu'on reconnaît immédiatement. Par exemple, le voyage linguistique à Londres va permettre de réactiver dans l'imaginaire des potaches, eh bien, le pub, les bobbies, la tour de Londres, le tournoi des cinq tribus, etc., etc. On va réactiver, si je garde également Astérix chez les Bretons, tous les stéréotypes autour du home petit bourgeois. La tricoteuse, le mari qui lit le temps au bord du feu, etc., le Times. Et puis, dans le deuxième temps du moteur, une fois que l'univers est posé, on va se moquer des stéréotypes. Et ce qui est moqué, c'est moins la vision de l'étranger que nos propres représentations sur les étrangers. Par exemple, eh bien, effectivement, les Helvètes sont forcément obsédés par la propreté et obsédés par la ponctualité. Les Ibères ont une fierté exacerbée, avec leur nom à rallonge, mais qui emprunte à des réalités populaires, sous Palognone, Croutone, etc. Ouais, quant à la fierté des Corses, elle est aussi forte que leur fromage. Oui, alors voilà un bon exemple de disqualification des stéréotypes par exagération. On pourrait aussi évoquer la paresse corse, hein, puisqu'on a les ouvriers qui se prélassent au bord des quelques dalles qu'ils ont mis 3 ans à poser pour relier la voie romaine entre Aléria et Mariana. Donc voilà, disqualification par exagération des stéréotypes et donc décollement à l'égard des représentations communes. Et évidemment, l'anachronisme joue un grand rôle dans ce cadre, puisque tout de suite, on est amené à établir une distanciation par rapport à notre propre imagerie. Est-ce que vous avez étudié comment Goscinny et Uderzo faisaient évoluer leur héros à travers le temps et surtout avec le succès grandissant de la série? Oui, alors il y a à la fois une extension géographique. D'abord, c'est le pourtour, ce sont les pays limitrophes européens. Puis la chose s'élargit. Il y a aussi le Moyen-Orient avec l'Égypte. Il y a aussi les voyages outre-Atlantique. Et puis Uderzo va pousser, effectivement, quand il reprend seul la série, le principe d'une extension vers l'Inde avec Astérix chez Scheherazade, etc. Donc il y a cette visée un petit peu mondiale de la série. Et en même temps, il y a aussi, on va dire, deux partis pris différents entre Goscinny et Uderzo. La période Goscinny, c'est de faire en sorte de coller malgré tout à une crédibilité historique. Il y a un historien qui s'appelle Alain Cadotte, qui a essayé de reconstituer pour rire une petite chronologie des albums, et il s'aperçoit que finalement, chacune des aventures dans la période Goscinny pourrait être datée. C'est-à-dire que si on se fie, par exemple, au triomphe de César, à certaines batailles qui sont évoquées, etc., ça pourrait être à la rigueur crédible. Et Goscinny tenait beaucoup à cet aspect. Alors que dans la période Uderzo, alors là, on bascule vers l'imaginaire enfantin, le merveilleux, les tapis magiques, l'Atlantide, sans parler des extraterrestres, on bifurque complètement vers un autre univers. Est-ce qu'il travaillait avec des historiens, avec des intellectuels, Goscinny? Alors Goscinny, d'abord, est un fin lettré. Contrairement à ce qu'il disait, il a fait des lettres classiques. Ce qui le nourrit chez lui dans sa bibliothèque, c'est voilà quelques grands ouvrages, Paul-Marie Duval sur une vie quotidienne au temps des Gaulois, l'ouvrage de Jérôme Carcopino sur la vie quotidienne à Rome, un ouvrage de Régine Pernoud sur les Gaulois, voilà, il a 3-4 ouvrages de référence, et à partir de là, il peut donner, on va dire, une pseudo-base de vraisemblance aux aventures. Mais Uderzo, de son côté, a fait quand même des recherches assez poussées sur le plan de l'iconographie. Donc, en compulsant des catalogues de musées. Il y a quand même une recherche avec des anachronismes qui sont souvent volontaires. Par exemple, la Rome qui est représentée dans les lauriers de César, c'est la Rome monumentale du 4e siècle après Jésus-Christ, volontairement. Et ça sert un discours pour parler de Rome, Rome comme entité, comme métacorps politique, qui est une sorte de contre-pouvoir à la figure personnelle de César. Donc il y a aussi derrière des enjeux narratifs, symboliques, qui parfois peuvent légitimer certains anachronismes. Est-ce qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées à un moment ou à un autre, vu le succès de la série, pour que Goscinny et Uderzo aient moins de liberté et s'accordent à faire passer un message parce qu'ils ont eu des pressions ou parce qu'on leur a suggéré de parler d'un sujet plutôt que d'un autre? Parce Georges Pompidou leur a suggéré... Voilà, oui. La tentation de la récupération, pour aller vite. Ouais. Alors, la récupération, oui, elle est venue surtout dans les années 80. Alors, en termes de suggestions, à titre amical, Georges Pompidou avait suggéré de faire une aventure sur les Helvètes. Ce qui permet à Goscinny de parler, de revenir sur une critique de la SDN, une critique de la politique de neutralité de la Suisse et aussi une critique du recel des biens spoliés par l'occupant dans les banques helvètes. Et quelle idée il avait derrière la tête, Pompidou, quand il suggère cette idée à Uderzo et à Goscinny? Alors, je ne sais pas s'il avait la même, mais lui seul le savait. Il y a eu des pressions. Par exemple, on sait que Jacques Chirac n'avait pas beaucoup apprécié sa caricature dans Obélix et compagnie, et auparavant dans un récit d'Is No Good scénarisé par Goscinny, on voyait Chirac vendre le procédé Sécam au maître de Bagdad. Bon, voilà. Donc il y a eu effectivement quelques pressions. En tout cas, il est certain, on sait dans les années 80 que maladroitement, je crois que c'était le RPR qui avait essayé de faire une affiche électorale représentant le village gaulois, etc. La tentation est tellement forte de représenter vraiment ce qui est devenu une icône de la culture populaire nationale que, effectivement, les auteurs ont essayé vraiment de se préserver de toute récupération et en particulier de toute lecture nationaliste de la série. Et là-dessus, Goscinny était extrêmement à cheval et il évoquait son histoire familiale assez tragique. Eh ben, ce sera le thème de notre épisode de demain, le 4e épisode, le village gaulois et le nationalisme français. Merci Nicolas Rouvière. Vous pouvez écouter ces 3 premiers épisodes en passant par le site de franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. On va écouter la Marseillaise, mais une autre version, Nicolas Rouvière, une version brésilienne. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. En plein débat sur la réforme de l'école en France, voilà un film qui tombe à pic et qui nous rappelle que les enjeux autour de l'éducation, les enjeux d'ici concernent tout le monde et vice-versa. Dans notre monde globalisé, l'éducation est-elle devenue standardisée, pour ne pas dire robotisée? Le documentaire d'Erwin Vanganhoefer, Alphabet, sort aujourd'hui au cinéma. C'est un documentaire qui a été réalisé avec la passion d'un battant et surtout d'un militant, puisqu'il a sillonné le monde, de la France à la Chine, de l'Allemagne aux États-Unis, et pour dresser un constat plutôt sévère sur le système éducatif. Alphabet sort au cinéma et c'est un film qui met bien sûr en cause le vieux système éducatif qui privilégie la performance au détriment de la créativité. Et avec nous, André Stern, musicien, compositeur, luthier, conférencier quand il n'est pas journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes jamais allé à l'école, pour reprendre le titre de votre livre témoignage paru en 2011 chez Actes Sud. Vous êtes par ailleurs le fils du chercheur et pédagogue Arnaud Stern. Et si vous êtes là, c'est parce que vous témoignez de votre expérience dans le film d'Erwin Vanganhoefer, Alphabet. On va écouter un extrait, tiens, du film. Mein Name ist André. Ich bin in Paris geboren und in Paris aufgewachsen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Mais vous parlez très bien allemand, André Stern. Oh, en tout cas, c'est un de mes chantiers préférés. Alors, comment vous avez fait pour apprendre l'allemand, par exemple, alors que vous n'êtes jamais allé à l'école? Pour l'allemand, c'est pas la même chose qu'une langue maternelle, mais pour l'allemand, je m'y suis mis assez tard. C'est une langue que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans, et j'en suis tombé profondément amoureux. Et quand on tombe amoureux, ben il y a les centres émotionnels qui s'activent, et quand les centres émotionnels s'activent, ben les choses. Apprendre n'est plus un acte. De toute manière, apprendre n'est pas un métier. C'est juste l'effet secondaire. En l'occurrence, l'effet secondaire de cet amour, de cet enthousiasme pour la langue. Et s'il y a une spécificité à cet apprentissage me concernant, c'est le fait que dans ma passion, j'ai pu consacrer 6 à 8 heures par jour à l'apprentissage de l'allemand. Mais comment vous avez fait, puisque vous n'êtes pas passé par l'école, par le système éducatif classique, comment vous avez fait pour apprendre cette langue et autre chose d'ailleurs, mais commençons par l'allemand. Commençons par l'allemand. Alors moi, ça passe par une méthode qui me convient très bien à moi et dont je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de publicité, mais qui pour moi fonctionne très bien. Mais effectivement, 10 minutes suffiraient chaque jour. Mais moi, je... Vous mettiez des disques, c'est ça? C'était des cassettes à l'époque. C'était des cassettes à l'époque. Ça me convenait très bien et ça, couplé à ma passion, faisait que j'y consacrais, allez, pourquoi pas ma journée entière, parce que personne ne venait au bout de 45 minutes m'interrompre en me disant, pour cette matière, c'est fini, on va passer à la suivante. Alors, vous participez au film d'Erwin Vanganhoefer. Bon, bien sûr, on le connaît. C'est un documentariste plutôt militant, radical. Il a réalisé d'abord We Feed the World sur la crise alimentaire, et puis ensuite Let's Make Money sur la crise financière. Et là, Alphabet parle de la crise dans le monde de l'éducation. Et pour lui, Alphabet clôt une trilogie, la trilogie de l'épuisement, comme il l'appelle. Alors, puisqu'aujourd'hui on parle des réformes à l'école, on en parle toujours en réalité des réformes à l'école. Comment avez-vous été approché par Erwin Vanganhoefer et pourquoi vous avez accepté de témoigner dans son documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma? Alors parce que son film, c'est le plus optimiste de ses films. Vous trouvez? C'est un des films que je connaisse qui finit vraiment de la manière la plus optimiste qui soit, sur une proposition, une invitation, une incitation. J'ai accepté parce que justement son film ne se voulait pas un film qui critique un système ou qui en prône un autre. C'était vraiment un film qui parlait d'attitude, l'attitude... On peut dire que si. Non, mais pour aller très vite, la conclusion de ce film d'Erwin Vanganhoefer, c'est qu'il faut tout de suite passer d'un modèle industriel, il considère que c'est un modèle industriel, l'éducation aujourd'hui, en France et dans le monde, à un modèle organique. Effectivement. Mais donc, il s'agit bien non pas de système, mais d'attitude. Et donc, c'était ça qu'il y avait d'attirant, c'était d'apporter effectivement un témoignage, parce que je parle également d'attitude. Ce qui m'est arrivé, le fait de ne pas être allé à l'école, est presque anecdotique par rapport au fait que, plus exactement, j'ai été respecté dans mes dispositions spontanées, et que les dispositions spontanées, c'est notre équipement de base, c'est ce dont chaque humain est équipé à la naissance, c'est renversant, c'est notre équipement de série, et... connaître cet équipement de série qui est celui de tous les enfants, il n'y a pas de handicap qui nous en priverait, c'est regagner en confiance en l'enfant, donc regagner en confiance en nous-mêmes, regagner, changer de vision, donc changer d'attitude, et puis retrouver cette nostalgie qui, au lieu de toujours nous remettre en question et nous remettre en doute et nous comparer, nous dit « Ah, tu es parfait tel que tu es ». Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas de défaut. Mais André Stern, pardon, mais vous n'aviez pas le choix. Hein, c'est votre père, hein, Arnaud Stern. Je rappelle que c'est un pédagogue, c'est le créateur, par exemple, du Clos Lieu, situé à Paris dans le 15e arrondissement. C'est lui qui a décidé de ne pas vous scolariser. Et est-ce que ce modèle-là vous a suffisamment convenu pour l'appliquer à votre fils, puisque vous êtes père? Alors, plusieurs choses. C'est une décision de mes parents. En amont de notre naissance, reposant sur une conviction, ils se sont pas décidés contre un système, ils se sont pas décidés contre l'école. Ils étaient d'ailleurs des élèves brillants et heureux qui n'avaient pas réglé des comptes. C'est une décision qu'ils ont pris, qui a été prise pour quelque chose. Ils ont pris cette décision pour justement le respect, la confiance, le respect de ces dispositions spontanées. Donc c'était pour et non contre quelque chose. Après, c'est une décision que j'aurais pu à chaque instant remettre en question, j'aurais pu à chaque instant désirer en changer, c'était pas un dogme, et donc on remplaçait pas un dogme par un autre, j'aurais pu à chaque instant y aller, ce que je n'ai pas souhaité faire. Pour notre fils, c'est la même chose, mon épouse et moi-même, on avait pris cette décision commune, bien avant sa naissance. Pour donner un exemple des raisons pour lesquelles on peut prendre ce type de décision, c'est parce que ce n'est pas contre quelque chose, c'est par exemple parce qu'on n'imagine pas, on n'envisage pas de réveiller l'enfant le matin. On est la seule espèce terrestre qui réveille ses enfants. Donc quand quelque part on n'arrive plus à passer par-dessus l'impossibilité qu'on ressent de réveiller un enfant, on est obligé de commencer une ribambelle de décisions. Et c'est ce que nous avons fait en l'occurrence, et donc nous avons également pris la décision, pour finir de répondre à votre question, de ne pas envoyer Antonin, notre fils, à l'école. Et tout comme moi, si un jour il souhaite y aller, il est bien évident qu'il ira. Il a quel âge, Antonin ? Dans peu de semaines, il aura 6 ans. Alors, comment vous vous occupez de l'éducation ou de l'éveil d'Antonin ? Pas beaucoup, finalement. Et oui, tout ça est un feu vert donné à ces fameuses dispositions spontanées dont je parlais tout à l'heure, qui sont notre disposition au jeu, notre capacité d'enthousiasme, l'enthousiasme dont on sait entre-temps que c'est l'engrais du cerveau. C'est l'ouverture d'esprit fantastique des enfants. Les enfants rencontrent toutes les matières et toutes les personnes sans aucun préjugé. Les enfants vont à la rencontre des personnes et les aiment et les admirent pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font, qu'ils soient laveurs de carreaux ou astronautes. Les enfants ne connaissant pas ces hiérarchies, ils ont il crée un lien fort entre les gens. Et une troisième disposition, c'est celle-ci. La quatrième, c'est d'aller dans le vaste monde, à la rencontre des différences, parce que les enfants sont encore connectés à cette conviction profonde que ce sont les différences qui sont des facteurs d'enrichissement mutuel. Et donc, si vous réunissez ça, vous voyez quel panel de dispositions qui nous incite à la confiance. Et pour répondre directement à la question, par exemple, il n'a pas été nécessaire de motiver ou d'inciter quiconque d'entre nous à apprendre sa langue maternelle. C'est une chose qui se passe à un rythme spécifique à chaque personne, d'après une didactique spécifique à chacun. Quelle est la vôtre? Parce que je comprends la philosophie, mais concrètement, à un moment, il faut apprendre à écrire, à lire, à compter. De la même manière qu'on apprend sa langue maternelle. Justement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas enseigné. Ce n'est pas l'éducation à domicile, ce que j'ai vécu ou ce que nous vivons avec Antonin, c'est pas les parents enseignants, le homeschooling, que moi je considère, je suis pas du tout critique vis-à-vis de l'école, je travaille beaucoup avec des gens qui donnent et qui font l'école, puisque cette attitude dont je parle s'applique partout, dans la rue, dans les arbres, dans les champs, à la maison, à l'école. Mais je suis très sceptique vis-à-vis de l'enseignement à domicile, parce qu'on a quand même les avantages, les inconvénients réunis de l'enseignement et du domicile. Alors, vous êtes contre l'école, contre l'enseignement à domicile? Je suis pas contre l'école. Bah, là, je me dresse droit. Je ne suis pas du tout contre l'école. Je ne suis pas un critique de l'école. Pas plus que ce film n'est un critique. Mais vous avez choisi une autre école. Une autre école est possible. Un autre chemin vers la connaissance est possible. Alors, ce que vous dites, et ce que dit Erwin Wagenhofer, c'est qu'il faut sortir de ce système de notation où on stresse les enfants, on leur apprend comment vivre dans un modèle où la concurrence est le moteur pour réussir. C'est ça, l'histoire, s'il fallait conclure? C'est une partie de ce que le film, de la promenade au cours duquel on nous entraîne ce film. C'est effectivement, voilà, jusqu'ici, on a pratiquer certaines choses, on a eu certaines pratiques éducatives qui sont toutes liées pour Erwin, c'est une trilogie. Quand il a parlé d'abord de l'industrie alimentaire puis du monde de la finance, c'est comme ça, il s'est retrouvé dans la City de Londres à voir les personnes les mieux éduquées, les plus diplômées de la planète et à se dire finalement cette crise était en 2008 au début de la grande crise. Ils n'ont rien pu faire. Voilà. Et non, surtout c'est eux qui ont amené le monde au bord du gouffre. Mmh. Donc c'était son postulat de départ qui était effectivement plutôt critique, mais ça n'en est pas resté là puisqu'il s'est rendu compte que finalement derrière tout ça c'était une question d'attitude, la même derrière tous les sujets que nous venons d'aborder, et que effectivement le renouveau passerait pas par une optimisation de l'ancienne attitude, mais par quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ça l'invitation du film. Alphabet, ça sort aujourd'hui, c'est le film d'Erwin Wagenhofer, avec, entre autres, Sir Kenneth Robinson, c'est tout à fait normal qu'il soit là, votre père, bien sûr, Arnaud Stern, votre mère, et puis vous-même, André Stern, merci d'être venu. On termine par une interview pour voir un peu votre humeur du jour. Première question, quel est le dernier roman que vous avez lu ? Le dernier roman que j'ai lu... Et en quelle langue ? J'en lis beaucoup. Ah, ça c'est drôle. J'ai relu très récemment le premier tome de La recherche du temps perdu de Proust. En quelle langue ? En français. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter ? J'allais dire les nénuphars, j'allais dire Monet, mais oui, on va dire ça. Alors qu'il est, ça correspond à la journée d'aujourd'hui. Et puis enfin, est-ce que vous chantez ? Non. Ah ? Je m'en garde. Pourquoi ? C'est pas mon truc. Moi, je suis un musicien, effectivement, je suis guitariste, mais à chaque fois que j'entends ma voix et à chaque fois que j'ai tenté de chanter, j'ai préféré m'arrêter. Est-ce qu'on se fait le générique de fin en bilingue avec vous, Arnaud Stern, vous qui parlez si bien allemand? Allons-y. C'était un autre jour est possible. Es war ein anderer Tag ist möglich. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30. Der Kulturwecker, jeden Morgen von 6h bis 6h30. Mais si vous voulez nous écouter en dehors de cette heure matinale, il y a le podcast et l'écoute en ligne disponible à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr. Ça commence à de l'air difficile, non? Uns auch zu anderen Zeiten anhören zu können, bitte podcasten Sie diese Sendung oder finden Sie uns online bei www.franceculture.fr. Et si André Stern nous raconte des bêtises, surtout contactez-nous avec la même adresse, franceculture.fr. Franceculture.fr wird auch die Adresse sein, an der Sie uns kontaktieren können, sollte André Stern da lauter Blödsinn erzählen. On se retrouve demain pour parler d'un héros qui plaît aussi bien aux Français qu'aux Allemands, Astérix, en première partie. Morgen treffen wir uns wieder und reden über einen Helden, der allen gefällt. Sowohl in Frankreich wie in Deutschland, Astérix, morgen früh. C'était un peu trop long, non? Bon, c'est pas grave. Cette émission a été préparée avec Pascaline Bonnet. Diese Sendung wurde vorbereitet mit Pascaline Bonnet. À la technique, Michel Maestre. Die Technik wurde übernommen von Michel Maestre. Une émission réalisée par Thomas Luther. Eine von Thomas Luther réalisierte Sendung. Et c'est une émission produite par Tufik Akev. Und das war eine von Tufik Akev produzierte Sendung. Et aujourd'hui, j'ai eu l'extra privilège de recevoir en deuxième partie André Stern. Merci pour tout. Merci à vous, au revoir. Bon week-end. Bonne matinée sur France Culture, à demain.